projet quand les super s'en mêlent. Alors, le premier projet que je vais vous présenter, c'est en fait ma première idée que j'ai eue avec les Milouviens, qui me vient du NaNoWriMo 2017, où je voulais écrire des espèces de micro-épisodes sur une bande de gamins, donc les Milouviens, qui aident les super-héros à se démerder dans différentes situations. Donc, ce serait comme l'escouade super-héros de l'heure. Et en fait, ce qui serait arrivé, c'est qu'un soir, après l'été 2017, où les Milouviens ont été vraiment soudés avec Milou, ils l'auraient suivi un soir, curieux, parce qu'ils trouvaient qu'elle agissait vraiment très bizarrement, et ils auraient découvert son secret que finalement, son cousin, qui est Joe, Black Hawk, le héros de la vallée des orchidées, eh bien, justement, elle l'aidait dans ses missions avec Thunderstorm, l'autre super-héros de la vallée des orchidées, et que depuis ce temps-là, eh bien, avec l'aide de ses cousins Marco, Donné et Joe, ils auraient ouvert un café dans une ancienne caverne qui ferait aussi de office de bureau de travail, donc de super laboratoire pour aider les super à s'engager dans leurs projets ou les aider dans leurs différents matériels. Donc, ce sera la première série que je vais vous présenter avec les différentes idées que j'avais eues pour le NaNoWriMo, justement, et vous faire présenter les histoires que je voulais initialement écrire pour ce projet-là. Donc, voilà. Sur ce, bonne écoute!